Chapitre 48e, la peau du lion. Tout le monde tourna la tête du côté d'où venait la voix, tous les yeux anxieusement cherchèrent, mais il fut impossible de rien voir, de rien découvrir. La clarté des lampes à acétylène illuminait toute la salle, très grande, mais dans laquelle, de tous côtés, on pouvait voir. Et les yeux ne rencontrèrent que les murs gris, verdâtres, humides, sur lesquels se jouaient, en s'accrochant à chaque perle d'eau qui suintait, les rayons des lampes. La voix cria plus fort « Tu es un imposteur !» Zygomar tressaillit. Sa cagoule semblait frissonner au souffle haletant de sa poitrine. Il cherchait lui aussi d'où venait cette voix. Appuyant sur le bas de sa cagoule rouge avec sa main pour la coller à sa figure, pour que ses yeux puissent mieux voir par les trous ronds percés dans l'étoffe, il fouillait de tous côtés dans cette salle. Il avait conscience que cette voix ne partait pas du public, mais il ne pouvait voir de quel endroit elle provenait, et pour lui cela était extrêmement inquiétant. L'assemblée autant que lui se montrait anxieuse. Comme lui, elle cherchait celui qui avait pu lancer une telle apostrophe, celui qui avait eu cette audace de donner un tel démenti à Zygomar, de lui jeter, devant tous les aides, une si grave insulte. Mais, fait caractéristique et dont la gravité ne pouvait échapper à personne, pas un des aides ne s'en montra indigné. Étonnés, certes, les aides l'étaient, et fortement. Mais pas un ne s'éleva contre cette voix inconnue, contre cet homme invisible. Pas un ne chercha à protester, à défendre Zygomar. Il semblait au contraire qu'on eût voulu voir celui qui parlait, non pour le punir de son audace, mais pour le suivre, l'encourager, le seconder. Chacun pactisait déjà avec lui en secret, car il exprimait d'une façon claire et vibrante le sentiment de tous. Il proclamait pour tous ce que chaque Z en particulier eût voulu faire entendre. Et fait plus étonnant encore, autour de Zygomar angoissé, les membres du Conseil suprême, dont le devoir était d'assister leur chef, de le soutenir, de le défendre, les membres du Conseil semblaient partagés, désunis. Deux d'entre eux, ceux qui touchaient à droite et à gauche le grand Zygomar, comme lui s'agitaient, se montraient anxieux. Les deux autres qui se tenaient au bout de la tribune ne bougeaient pas. Ils conservaient leur immobilité de statue recouverte d'étoffes rouges, mais gardant leur tête tournée vers Zygomar et les deux autres membres du Conseil qui semblaient affolés. Avant que Zygomar eût eu le temps de se remettre, de trouver la réponse à faire à cet accusateur mystérieux, la voix reprit. « Tu mens, oui, tu mens. Tu te dis, Zygomar, tu n'es qu'un vil fantoche incapable, qui tremble et ne peut rien. Tu n'es qu'un âne vêtu de la peau du lion. » Zygomar, se ressaisissant enfin, voulut crier « Que l'insolent ose se montrer !» Mais, plus haut que lui, la voix vibrante et fortement timbrée reprit « Ce n'est pas seulement la cagoule de Zygomar qui fait Zygomar, c'est l'œuvre. Tu as pu pendant quelque temps tromper, abuser les êtres fidèles et dévoués. Ces êtres qui sont si fortement attachés à Zygomar, qui sont prêts à le suivre dans tous les périls. Ces êtres longuement éprouvés, qui sont disposés jusqu'au dernier, à lui donner leur sang, leur vie, ont compris, ont deviné que tu n'étais pas, que tu ne pouvais pas être Zygomar. » La foule maintenant s'agitait. On la sentait réveillée, vibrante. Instinctivement, elle se portait du côté d'où venait la voix et se détournait du tribunal de Zygomar. Il semblait que maintenant, ressaisie, tirée de son apathie, de sa malveillance, elle était heureuse de se donner à celui qui parlait et dont la voix allait à son cœur et excitait son âme. La voix reprit. Les aides ne pouvaient se tromper longtemps. Ils te font défection. C'est tout naturel et tu t'en plains. Mais il est même étonnant qu'il se demeurait plus d'une heure sous les ordres d'un pantin tel que toi. Maintenant, écœuré par ton incapacité, par ta veulerie, ils ne veulent plus te suivre, et ils ont raison. Ah, ce n'est pas de Zygomar qu'ils se sont détachés, mais uniquement de la ridicule caricature de Zygomar que tu es. C'est absolument uniquement de toi. Le public commençait à être houleux. Quelques voix même, hautement, approuvèrent l'orateur. « Oui, oui, » entendit-on. « Mais, » reprit l'orateur invisible, « ton règne d'usurpateur a fini ce soir. On va arracher de ta figure apeurée le masque de vaillance dont tu la couvres. On va enlever de tes épaules de balai, à peine bonne pour la livrer, ce manteau royal. Car les êtres qui ne veulent plus de toi, et se tournent vers Zygomar, ils lui crient du fond de leur cœur vibrant qu'ils sont à lui plus sincèrement que jamais. À lui jusqu'à la vie. » La parole de l'orateur fut couverte comme par un coup de tonnerre qui éclata tout à coup et qui, sous la voûte, roula terriblement, longuement. « À la vie, à la mort !» cria à pleine voix l'assemblée, agitant la main, le chapeau, trépignant, frémissant. « Za la vie, za la mort !» La foule avait reconnu son maître. Elle était reconquise. Elle venait de se retrouver, et ses âmes de Forban vibraient à l'unisson dans une effroyable communauté de désirs et d'espérance. Alors un grand bruit se fit entendre. Dans le fond de la salle brilla une longue flamme, et dans le rayonnement d'un feu rouge qui transformait cette voûte en immense brasier, en fournaise infernale, on vit s'écrouler soudain toute une paroi. Et alors apparut une autre tribune tendue de rouge avec Zygomarc et son conseil. L'assistance, absolument stupéfaite, regardait cette nouvelle tribune avec émotion, avec anxiété. Mais la voix que l'on avait entendue plusieurs fois, la voix conquérante, s'écria tout à coup « Za la vie ! Za la mort !» répondit alors la foule, dégelée, prise d'un fol enthousiasme. Ce fut comme du délire. « Vive Zygomarc ! » criait-on. Il semblait à ces gens qu'ils respiraient, qu'ils sortaient du néant, qu'ils voyaient apparaître l'aurore. Ils croyaient maintenant renaître, et se sentaient assurés de partir vers la conquête de radieuses toisons d'or. Mais le nouveau Zygomarc les retint d'un geste. « Mes amis, vos cœurs ne pouvaient se tromper plus longtemps. Et vous avez reconnu celui qu'on ne peut remplacer, celui qui est immortel, le seul, le vrai Zygomarc. « Oui !» hurlèrent les aides. Or, voici en présence deux Zygomarcs. Vous n'avez pas à choisir puisque vous venez d'instinct de vous prononcer. Mais, pour que dans la suite, aucun doute ne puisse exister, c'est moi qui vais prouver que vous n'avez pas pu vous tromper et que c'est bien vers Zygomarc que vos âmes vous ont conduit. » Il fit un geste, un cri de colère, de rage, y répondit. La foule se tourna du côté de l'autre tribune, que depuis l'apparition de la nouvelle on avait totalement oubliée. Et l'on vit cette scène étrange, Zygomarc luttant avec deux des membres de son conseil suprême, et les deux autres membres se débattant dans les mains de quatre affiliés qui, sortis de l'assemblée, avaient bondi sur eux et pris la tribune d'assaut. Derrière la tribune solennelle et imposante, à l'aspect terrible, une rude bataille s'engageait. Les combattants, ceux qui attaquaient, ceux qui se défendaient, luttaient avec la même ardeur. Mais la foule assistait, impassible, à ce spectacle. Elle ne prenait aucunement parti pour l'un ou l'autre des combattants. Elle attendait paisiblement, sans bouger, sans dire mot, l'issue de cette bataille. Les aides étaient rentrés sous la discipline sévère de Zygomarc. Ils avaient retrouvé le maître, et lui obéissaient dès maintenant. Ils attendaient donc, avant de faire le moindre mouvement, un ordre du chef suprême. Il ne faut pas oublier que parmi les aides se trouvaient aussi de nombreux hommes de la brigade de Paulin Broquet, et que leur consigne à eux était d'attendre l'ordre du chef qu'ils voyaient là-bas, non loin de cette prise d'assaut, se tenant immobile avec son second, Gabriel, sous la cagoule noire. Ils contribuèrent par leur conduite à maintenir le calme dans l'assemblée. Les aides, donc, attendaient un signal qui ne venait pas encore, un ordre qu'ils s'empresseraient de suivre. Et très curieusement, ils assistaient à cette lutte que livrait celui qui se disait lui aussi Zygomarc et qui ne suivait qu'à contre-cœur. Il leur tardait toutefois de connaître la vérité dans tout cela. Ainsi, l'on avait en raccourci l'image d'un peuple qui, sachant que quoi qu'il fasse, il aura un maître, assiste au combat que se livrent les prétendants au pouvoir. Heureux sont les peuples qui, en pareil cas, se contentent d'être les spectateurs, railleurs et résignés, sans se mêler à la bataille pour recevoir les meilleurs coups, se donner un maître ne valant pas mieux que l'autre dont on ne veut plus. La tribune, au cours de cette bagarre, fut renversée, les draps rouges arrachés, et ce fut à terre, sur le sol gluant et boueux, que se poursuivit la lutte. Le Zygomarc attaqué avait eu le temps de s'emparer du revolver toujours déposé sur la table du conseil. Quelques coups aussitôt crépitèrent précipitamment, des cris de haine, de rage, des appels au secours, des insultes aux aides qui laissaient ainsi attaquer le grand Zygomarc sans le défendre, des provocations, des menaces, des représailles terribles. Puis enfin un cri qui domina le tumulte. « Ça y est ! Conduis ici cet homme !» Non sans mal encore, car il se débattait furieusement, les deux membres du conseil vainqueur enlevaient le Zygomarc prisonnier et ligotaient dans sa cagoule rouge, Sally et un loc, le portèrent à travers l'assemblée qui s'écarta pour laisser le passage et le déposèrent au pied de la tribune.